L'antique port de Smyrne est aujourd'hui Izmir, sur la côte occidentale de l'Asie. L'aréopage était à Athènes le tribunal suprême, équivalent de notre conseil d'État. On amena devant Gnaeus Dolabella, qui gouvernait l'Asie en qualité de proconsul, une femme de Smyrne. Elle avait, à la même époque, empoisonné secrètement son mari et son fils. Elle l'avouait, mais elle soutenait qu'avait eu le droit d'agir ainsi, son mari et son fils, ayant fait périr dans des embûches un enfant qu'elle avait eu d'un premier lit, et dont elle vantait l'innocence et les vertus. Personne ne niait l'exactitude de ces faits. Dolabella déféra la cause au conseil, mais personne n'osait prononcer dans une affaire aussi délicate, car on ne pouvait laisser impuni l'empoisonnement avoué d'un époux et d'un fils. Mais, d'un autre côté, ces scélérats avaient subi le châtiment qu'ils méritaient. Dolabella renvoya cette cause aux aréopagites d'Athènes, comme étant des juges plus graves et plus exercés. Ce tribunal, ayant ouï la cause, ajourna l'accusateur et l'accusé à comparaître dans 100 ans. Par cet arrêt, on s'abstenait d'absoudre une femme d'un crime condamné par la loi, on s'abstenait aussi de condamner et de punir une femme digne de pardon.